Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Aujourd'hui, on ne fabrique pas d'histoire, mais j'ai quelque chose à vous proposer. En lisant toutes vos propositions, j'ai l'impression que vous avez envie de frissonner. Alors, exceptionnellement, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'une de mes histoires préférées. Elle s'intitule « Louison et le démon », écrite par Taous Merakchi et magistralement mise en musique et en bruitage par Léa. Bonne écoute. Louison n'aimait pas sa nouvelle maison. Elle n'aurait jamais dû quitter sa ville natale, son petit appartement qui donnait sur une avenue pleine de klaxons, de sirènes et de gens qui parlent fort. Toute cette agitation la berçait et lui donnait l'impression que rien ne pouvait lui arriver. Mais ses parents avaient décrété que la ville n'était plus un bon environnement pour Louison. Qu'une enfant devait grandir au milieu de la nature, loin des pots d'échappement. D'un coup, leur appartement fut rangé dans des cartons. Direction Grand Soupir. Un village bien trop petit, perdu au milieu d'une immense forêt et silencieux comme la mort. Leur nouvelle demeure se trouvait au bout d'une route à peine plus large que leur voiture. Elle était plantée là, au milieu d'un vaste jardin peuplé d'herbes bien trop hautes pour ne pas cacher d'horribles bestioles. Rien n'allait dans cette maison. Les portes grinçaient, le plancher craquait, les volets claquaient. Les fenêtres s'ouvraient toutes seules. Le sol était si froid que Louison ne pouvait plus marcher pieds nus. En plus, les couloirs lui jouaient des tours et s'amusaient à changer de place pour qu'elle se perde. Ça l'énervait beaucoup, surtout quand elle avait une envie pressante. Mais le pire de tout, c'était la nuit. Le moindre objet se transformait et prenait des airs menaçants. Son porte-manteau sortait ses griffes, son placard devenait un repère de monstres à tentacules, ses vêtements se mettaient à ramper vers son lit. Et puis, tapis dans un coin, il y avait cette ombre. Comme une silhouette avec des cornes et des mains griffues. Elle n'aurait jamais dû être là. Dans ce coin, il n'y avait rien. Plus inquiétant encore, elle n'était pas là tout le temps. Elle semblait aller et venir. Chaque soir, elle redoutait que l'ombre ne l'attaque. Mais au lieu de se cacher derrière ses doudous, Louison surveillait le coin en mitouflé dans sa couette. Elle dormait si peu que ses cernes lui donnaient des airs de panda. Un soir, Louison en eut marre. Marre d'observer, marre de ne pas dormir, marre d'avoir peur. Au fond d'elle, elle savait que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Cette ombre ne pouvait être qu'une ombre. Même si elle n'avait rien à faire là, même si elle bougeait, même si elle ressemblait à un cauchemar. Décidée à en finir, Louison rassembla tout son courage, jeta sa couette, bondit de son lit, les sourcils froncés, les bras croisés, prête à affronter l'ombre. Je vous vois, hein ? La silhouette sursauta. Louison frémit. Cette ombre n'aurait pas pu être juste une ombre ? Je vous ai vu bouger. Je sais que vous m'entendez. Répondez-moi, vous êtes dans ma chambre. Aucune réponse. Pas un mouvement. Si vous ne me répondez pas dans 5 secondes, je vais hurler si fort que tout le village va se réveiller. Rien. Ok, vous l'aurez cherché, hein ? 5. 4. 3. 2. 1. Dans le coin obscur, 2 yeux rouges s'ouvrirent. Louison se pétrifia d'horreur. Une silhouette brumeuse se détacha du mur et s'approcha d'elle. Elle grandit, jusqu'à ce que ses cornes se plantent dans le plafond. Un monstre, entouré d'une volute de fumée, apparut. Ses bras semblaient capables de fendre une montagne. Louison n'aurait pas dû provoquer l'ombre. Elle voulait hurler, mais elle n'était pas capable d'émettre ne serait-ce qu'un couinement. Le démon sourit, laissant apparaître des dents tranchantes comme des rasoirs. Louison ferma les yeux, certaine d'être dévorée. Bonsoir, Louison. Alors, tu as perdu ta langue, jeune fille ? Et tu voulais me voir, non ? Eh bien, me voilà. Si tu ne réponds pas dans 5 secondes, je vais... Je vais faire quoi ? Eh bien, je ne sais pas. Mais ta technique a fonctionné sur moi, alors je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Et ça vous amuse ? Un peu, il faut dire. Vous allez me manger ? Non, écoute... Me maudire ou me lancer un sort ? Non ! Alors, vous êtes quoi, au juste ? Je suis un démon. Du genre super vieux ? Je vis depuis des millénaires. Et comment vous vous appelez ? Pardon ? Eh ben, vous avez un prénom, non ? Vous connaissez le mien, j'ai le droit de connaître le vôtre. Faut se présenter avant de parler aux gens. Balthazar. Et qu'est-ce que vous fichez dans ma chambre, Balthazar ? Eh bien, Louison, techniquement, c'est aussi ma chambre. N'importe quoi ! Mes parents ont acheté cette maison et cette chambre, c'est la mienne. Elle peut pas être à vous. Tu crois vraiment qu'un démon suit les mêmes lois que les humains ? Ah bah, je sais pas, moi. Ça se peut, non ? Non. Non ? Non ! Et pourquoi ça ? Parce que nous sommes des esprits, des êtres surnaturels. Comme le génie d'Aladin ? Si tu veux, oui. Trop bien ! J'ai le droit à des vœux, alors ? Non, mais je... Alors, vous faites quoi dans ma chambre ? Eh bien, je te parle. Très drôle. Je veux dire, pourquoi vous êtes là, quoi ? Parce que tu m'as appelé, et ce n'est pas normal du tout. Alors j'ai des pouvoirs ! Mais je n'en sais rien ! C'est bien la première fois qu'un humain m'interpelle, et pour me crier dessus en plus ! Bah, fallait pas me faire peur, c'est tout ! Ma mère me dit toujours qu'il faut jamais se laisser faire, alors je me suis pas laissé faire ! Sauf que je ne t'ai rien fait ! Bah si, vous étiez sur le mur, à bouger, à disparaître... Et ? C'est tout. Voilà ! Je vivais tranquillement dans mon coin, et puis tu m'as appelé. Tu m'as dérangé dans mon travail. Tu t'imagines bien que si j'avais voulu te faire du mal, je l'aurais fait ! Surtout qu'une créature aussi fragile que toi n'aurait rien pu faire ! Louison eut un mouvement de recul et trébucha dans sa couette. Sa témérité fut emportée sous un torrent de larmes. Je suis désolée. Je voulais pas vous déranger. Me faites pas de mal, s'il vous plaît. Je voulais pas venir dans cette maison nulle. C'est la faute des parents. Ils sont venus dans ce trou perdu en disant que c'était mieux pour moi. Sauf que c'était pour eux. Ils en avaient marre de la ville et du bruit. Et maintenant, vous allez me faire du mal. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si. Je te demande pardon. Pour de vrai ? Pour de vrai. Je suis un démon, mais je ne suis pas méchant. Pourquoi vous faites aussi peur, alors ? Ben, je suis né comme ça. Mais crois-moi, il y a des démons bien plus effrayants. Non, pas, je vous fais vraiment très peur. Balthazar ferma les yeux, se pinça l'arête du nez et soupira. Et d'un coup, rapetissa jusqu'à n'être pas plus grand qu'un labrador. C'est mieux comme ça ? Un peu. Ça existe, les gentils démons ? Oui. J'en suis la preuve. Mais il y en a aussi des mauvais. Tout dépend de notre fonction. Hein ? Et de notre métier, si tu préfères. Et c'est quoi votre métier ? Je suis le gardien de cette vallée. Comme un chevalier ? Si tu veux, je veille sur ce village, sur la forêt et tous leurs habitants, qu'ils soient humains ou non. Même les animaux ? Oui, mais aussi les créatures magiques. Et crois-moi, il y en a tout un tas dans le coin. Vraiment ? Mais c'est génial ! Vous pourrez me les présenter ? Une minuscule bulle de lumière ailée passa au travers de la fenêtre et volta jusqu'à Balthazar qui tendit l'oreille. Je dois y aller. Quoi ? Maintenant ? Oui, on a besoin de moi. Oh, je viens avec vous. Hors de question. Balthazar grandit d'un coup. Louison sursauta, mais ne se laissa pas démonter. Vous me devez bien ça. Vous m'avez fait pleurer, je vous signale. Pas de ça avec moi, jeune fille. Il est tard, tu ferais mieux de dormir. Non, je viens avec vous. Tu es trop petite. Ce serait trop dangereux. Je ne suis pas petite. Nous continuerons cette discussion demain. Maintenant, au lit. C'est pas juste. La mine renfrognée, Louison grimpa dans son lit. Balthazar saisit sa couette et l'aborda maladroitement. Faites beau rêve, Louison. Après que Balthazar se soit glissé par la fenêtre, tel un filet de fumée, la chambre de Louison redevint une grande pièce froide et pas agréable pour un sou. Elle se retourna une bonne dizaine de fois dans sa couette avant de la jeter à terre en grognant. Il y a quelques secondes, elle aurait tout donné pour que l'ombre du coin ne soit rien d'autre qu'une ombre. Mais voilà que Balthazar lui manquait. Elle se rua à sa fenêtre, l'ouvrit et poussa son volet le plus discrètement possible. Louison se figea. Au fond de son jardin, elle aperçut la bulle de lumière qui s'enfonçait dans la forêt aux côtés de Balthazar. Sans les quitter des yeux, elle sauta dans ses bottes fourrées, enfila le premier manteau à portée de main et enjamba sa fenêtre. Elle tendit le bras pour atteindre la gouttière juste à côté. Elle s'agrippa à la colonne, comme un koala, et les yeux fermés glissa comme un pompier sur sa rampe. Elle atterrit, les fesses les premières, en étouffant un cri de surprise. La lueur disparaissait. Elle se releva d'un bond et se lança à leur poursuite. Arrivée à l'orée du bois, elle était à bout de souffle. Un instant, elle pensa les avoir perdus. Elle plissa les yeux et distingua une faible lueur au loin, voltant entre les arbres. La forêt n'avait rien d'effrayant. Malgré ses arbres gigantesques, elle n'était ni épaisse ni trop sombre. Les rayons de la lune y pénétraient et tombaient en cascade sur le sol jonché de feuilles. Trop concentrée à suivre la lueur, elle ne se rendit pas compte que la lumière faiblissait et qu'un froid humide l'enveloppait. La bulle de lumière finit par se rapprocher. Louison avant ça en veillant à ne faire aucun bruit. Elle découvrit avec effroi que la lueur était celle d'une luciole. Prise de panique, elle sanglota. La luciole s'envola, laissant la jeune fille seule dans des ténèbres glacées. Le cœur de Louison s'emballa si fort qu'elle eut l'impression qu'il résonnait dans toute la forêt. Balthazar ? Oui ? Il y a quelqu'un ? Un ricanement éclata au loin. Louison arrêta de respirer. Des rires retentirent plus près cette fois. N'écoutant que sa peur, Louison détala. Elle courut et trébucha sur une racine. Les rires rebondirent. Louison accéléra. Les arbres craquaient. Des rictus rouges voyants se dessinaient sur leurs troncs. Leurs branches lui écorchaient le visage, les bras, les jambes. Louison ravala sa douleur. Les rires redoublèrent jusqu'à lui donner le tournis. Louison vacilla, fit un faux pas, roula par terre et dévala une pente. Pendant si longtemps qu'elle eut l'impression de se cogner 100 fois. Elle termina sa course dans un énorme tas de feuilles qui explosa sous l'impact. Feignant la mort, elle écouta. Au-dessus, les rires s'estompaient. Péniblement, elle roula hors du buisson de feuilles sur un sol plat, sans mousse ni branche. Un chemin ! À tâtons, elle le suivit. L'écho lointain de la voix de Balthazar chassa sa douleur. Elle l'avait retrouvée ! Son enthousiasme fut de courte durée. Autour de la voix de Balthazar, d'autres voix semblaient se disputer. Prudemment, elle s'approcha pour arriver en lisière d'une clairière éclairée par une myriade de bulles ailées. Louison n'en crut pas ses yeux. Il n'y avait pas un, mais deux Balthazar entravés par des filets crépitants, tenus fermement par une sorte de cyclope potelé, court sur pattes. Deux canines sortaient de sa bouche, ça lui donnait un air plus niais que menaçant. « Mais puisque je vous dis que c'est moi, Balthazar, Manfred, n'écoutez pas cet imposteur. C'est lui, l'imposteur. »« Mais comment moi vais faire ? » ?»« Interrogez-nous. Baliverne, écoutez votre cœur, Manfred. » Le petit monstre semblait paralysé par les options qui s'offraient à lui. Quelque chose gênait Louison. Intriguée, elle plissa les yeux et d'un coup, la peau du Balthazar de droite vibra. Elle s'avança dans la clairière, fixant plus intensément le démon. Soudain, il rapetissa. Sa peau noire, enveloppée d'un nuage de fumée, laissa place à une peau verte, écailleuse et visqueuse. Ses yeux rouges virèrent à l'orange. « C'est lui l'imposteur !» Les regards se braquèrent sur Louison dans un silence de plomb. « Louison ? Moi, un imposteur ? » ?»« Qui t'es, toi ?» Louison est une connaissance, mais tu connais la loi. Aucun humain n'a le droit d'être ici. Manfred, je vous ordonne de la laisser tranquille. Manfred donnait l'impression qu'il allait faire un malaise. Moi, il doit faire quoi ? M'écoutez, Manfred. Ce Balthazar-là est un faux. Il est vert et visqueux avec des petits yeux orange tournois. Samael ! Une colonne d'ombre s'éleva autour du faux Balthazar. Surpris, Manfred relâcha sa prise et libéra ses prisonniers. Samael révéla sa vraie nature. Il tenta de décamper, mais un énorme filet l'en empêcha. Personne ne peut échapper à moi. Ramenez-le au caveau des damnés. Quant à toi, jeune fille. Balthazar toisa Louison, les bras croisés. Elle n'osait piper mot. Tu m'as désobéi. Tu as été inconsciente. Tu t'es mise en danger. Et tu m'as sauvée. Pour de vrai ? Oui. Personne n'avait jamais vu au travers des illusions de Samael. Comment as-tu fait ? Je sais pas. Je l'ai regardé. Regardé ? Bah oui, je l'ai juste bien regardé. J'ai plissé les yeux, et puis j'ai vu son horrible tête avec ses petits yeux. En voilà un pouvoir intéressant. Il pourrait s'avérer utile dans bien des situations. Ça veut dire que je vais pouvoir venir avec vous maintenant ? Oh là, doucement. On va d'abord retourner chez toi et tu vas dormir. On discutera de tout cela plus tard, d'accord ? Ça veut dire oui. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail, ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.